الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء والمرسلين Et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين Mes frères, mes sœurs en islam. نبدأ مع الدرس الأول من دروس السيرة النبوية. Donc on va commencer avec le premier cours de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا الدرس ممكن أطرح فيه سؤالا وأحاول الإجابة عليه. Pendant ce cours, je vais poser une question et essayer de donner une réponse à cette question. Ce cours sera une introduction à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا الدرس هو مقدمة بين مقدمة أخرى لحياة النبي sallallahu alayhi wa sallam. السؤال La question, ma huwa al-hadaf min dirasat as-sira? Quel est le but de l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ma hiya ahamiyat as-sira? Quelle est l'importance de cette biographie? Al-jawab, la réponse, wa al-jawab yatalakhas fi thamaniyat niqat. La réponse se compose de 8 points. An-nuqta al-ula, le premier, فهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. Le premier, c'est la compréhension de la personnalité du prophète, prière et salut sur lui. أولا, من قرأ السيرة سيقول بيقين. Celui qui va lire, celui qui va étudier la biographie, va dire avec certitude, أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. Il va dire avec certitude, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu. من قرأ السيرة سيطرد الشك. Celui qui va lire, celui qui va étudier la biographie, il va éliminer le doute de son cœur. الشيء الثاني, la deuxième chose, toujours dans le premier point. سنعرف, on va connaître à travers la biographie, بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عبقريا فقط. Que le prophète, prière et salut sur lui, n'était pas uniquement un homme génial. ولكن كان مؤيدا بالوحي والعناية الربانية, mais plutôt il était assisté par la révélation et par l'aide de Dieu le Très-Haut. وسنرى خطورة القول بالعبقرية فقط. Et on va voir le danger qui réside lorsqu'on dit que le prophète, prière et salut sur lui, fut un homme génial. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام عبقريا كما يقول الكثير, comme beaucoup le disent, بمعنى بعبقريته خلق القرآن. Donc c'est grâce à son génie qu'il a inventé le Coran, ou c'est grâce à son génie qu'il a construit cette religion. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم كان عبقريا ولكن كان مؤيدا بالوحي وبالعناية الإلهية. Mais ce qu'on va dire en étudiant la sira, on va dire que Muhammad, prière et salut sur lui, c'est vrai, il était un homme génial, mais en même temps était un homme soutenu par la révélation et par l'aide divine. Le deuxième point, فهم القرآن من خلال السيرة. On va comprendre la compréhension du Coran à travers la biographie. فالقرآن كان ينزل حسب الأحداث. Le Coran descendait, se révélait selon les événements. وإذا قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا جزءا كبيرا من القرآن. Lorsqu'on va étudier, lorsqu'on va lire la biographie du prophète, prière et salut sur lui, nous allons comprendre une bonne partie du Coran, l'interprétation d'une bonne partie coranique. Thalithan, troisièmement, al-husul ala thaqafa islamiyya sahiha. Le troisième point, l'acquisition d'une culture islamique correcte فيما يخص العقيدة, en ce qui concerne la foi, la croyance, وفيما يخص الأخلاق, en ce qui concerne la morale islamique, etc. إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب شهادة زوجته عائشة رضي الله عنها, le prophète prière et salut sur lui, selon le témoignage de sa femme Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, كان خلقه القرآن, sa morale était le Coran. وكان قرآنا يمشي بين الناس, c'était un Coran qui marchait devant les gens. وكان قرآنا متحركا, le prophète prière et salut sur lui était à lui seul un Coran mobile. وكان يقول, et il disait et répétait, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق, on ne m'a envoyé que pour parfaire les nobles la noblesse ou les noblesses des caractères ou de la moralité. وكان يقول, et il disait prière et salut sur lui, أدبني ربي فأحسن تأديبي, c'est mon Seigneur qui m'a éduqué et il a bien assuré mon éducation. فمن خلال السيرة سنرى كيف كان يطبق القرآن, à travers sa biographie, à travers sa vie, on va voir comment il appliquait le Coran pendant sa vie. Rabi'an, le quatrième point, وجود المثال والقدوة الأعليين في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le quatrième point, c'est la présence ou l'existence du modèle et de l'exemple suprême à travers, pour nous, à travers sa biographie, prière et salut sur lui. قال الله تعالى, Dieu le Très-Haut dit, لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة, vous avez effectivement dans le messager de Dieu un bon exemple à suivre. فالنبي إسوتنا جميعا, le prophète est notre modèle à nous tous. مثال للشاب الصالح, il va nous donner un exemple pour le jeune vertueux. Lorsqu'on va voir sa jeunesse sera un modèle pour tous les jeunes. هو مثال للشاب الصالح, مثال للحاكم الحكيم, on trouve en lui un modèle, un exemple pour le dirigeant sage. الزوج المثالي, le mari exemplaire. الأب الحنون, le père affectueux. السياسي الصادق, le politique sincère. Al-Qadi al-Adil, le juge équitable. Al-Abid al-Mudawim, l'adorateur en permanence. Il a akhiri, etc. فكيف نجعل من النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا كما ذكر الله إذا كنا نجهل سيرته وحياته وأفعاله. Comment peut-on faire du prophète prière et salut sur lui un exemple pour nous comme Dieu nous l'a dit si on ignore sa biographie, si on ignore sa vie et si on ignore ses actions ou ses œuvres. وهكذا يصير من الواجب على كل مسلم معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كي يجعل منه إسوة. Donc par la suite, il va devenir obligatoire pour chaque musulman d'étudier, de connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour chercher dans sa vie le modèle et l'exemple comme Dieu nous l'a ordonné. Khamisan, namoudaj hay fi maydan at-tarbiya wa ad-da'wa. Dans le cinquième point, on va trouver en lui un échantillon vivant dans le domaine de l'éducation et de la prédication. Fa kull wahid منا عليه أن يربي نفسه أولا. Chacun de nous doit s'auto-éduquer, doit éduquer sa propre personne. ويدعو أولاده, et après il doit appeler ou inviter à l'islam ses enfants, زوجته, sa femme, عائلته, sa famille, أصدقائه, ses amis, إلى آخره, etc. ولكن قبل ذلك علينا أن نتعلم من المعلم صلى الله عليه وسلم. Mais avant tout ceci, d'abord, on doit apprendre chez le maître Muhammad صلى الله عليه وسلم. النقطة السادسة le sixième point, زيادة الإيمان أمام المعجزات النبوية. La fortification de la foi devant les miracles accomplis par le prophète. Prière et salut sur lui. من قرأ السيرة, celui qui va lire la biographie, فكأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. C'est comme s'il est actuellement avec le prophète. Prière et salut sur lui. يعيش معه. C'est comme s'il vit avec lui. ويرى معجزاته صلى الله عليه وسلم. Il va voir ses miracles. Prière et salut sur lui. فيفيض الإيمان من جوانب قلبه. Et comme ça, la foi va déborder des coins de son cœur. سابعا, le septième point, ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. C'est le septième point, le bénéfice ou l'importance ou l'utilité de l'étude de la biographie, c'est l'évocation de Dieu et la prière en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man darasa sira, celui qui va étudier la sira, sayadhkur iddat marrat fi al-yawm fi al-halaqa hadhihi, sanadhkur iddat marrat ism Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va étudier la sira, par exemple dans notre cercle d'aujourd'hui, on va citer sans nous rendre compte plusieurs fois le nom de Mohammed. Prière et salut sur lui. Et à chaque fois qu'on va citer son nom, on va prier pour lui. Et à chaque fois que quelqu'un de nous va faire des prières ou une seule prière pour le prophète, Dieu subhanahu wa ta'ala va faire pour nous 10 prières ou va prier pour nous en notre faveur 10 fois. Ainsi le cercle d'étude de la biographie se transformera en un cercle d'adoration et évocation de Dieu et de son messager. Prière et salut sur lui. Le prophète, prière et salut sur lui, dit: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. Celui qui fait pour moi une seule prière, Dieu lui fait ou lui accorde 10 prières. رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان. Ce hadith est rapporté par l'imam مسلم, أبو داود, النسائي, الترمذي et ابن حبان. النقطة الثامنة, le huitième point, حب النبي صلى الله عليه وسلم. C'est l'amour du prophète, prière et salut sur lui. فأي مسلم صادق, chaque musulman sincère, درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم, qui va étudier, qui va connaître, qui va découvrir la biographie du prophète, prière et salut sur lui, إلا وسيحب محمد صلى الله عليه وسلم. Sûr et certain, il va finir par aimer Muhammad. Prière et salut sur lui. فكلما عرفته حق المعرفة, plus tu vas le connaître, la vraie connaissance, إلا وستحبه حق المحبة, plus tu vas l'aimer, le vrai amour. وهنا ستتذوق حلاوة الإيمان. Et là, frère ou sœur, tu vas goûter à la douceur de la foi. قال صلى الله عليه وسلم. Il dit, prière et salut sur lui, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Celui qui arrive à avoir ces trois goûtera à la douceur de la foi. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. C'est que dans le cas où Dieu et son messager sont pour lui ou sont plus aimés à lui que toute autre chose. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Et de n'aimer ou d'aimer la personne uniquement pour Dieu. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Et de détester de revenir vers la mécréance ou la désobéissance après que Dieu l'a sauvé d'elle, comme il déteste être jeté dans le feu ou dans les flammes de l'enfer. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. فلا معنى للإيمان, il n'y a aucun sens à la foi ou la croyance, il n'y a aucun sens au fait de croire. إذا لم يحب المسلم ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء. Il n'y a aucune signification à ta foi, frère ou sœur, si tu n'arrives pas à aimer Dieu et son messager plus que toute autre chose, même plus que ta propre personne ou ton amour propre. قال صلى الله عليه وسلم le prophète prier et sallallahu lui dit la yu'minu ahadukum, l'un de vous n'est vraiment croyant hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi, que lorsque je deviens plus aimé à lui que son père, wa waladihi, et plus que son fils ou bien son enfant, wa an-nasi ajma'in, et que tous les gens. L'un de vous n'est vraiment croyant que lorsqu'il m'aime plus que son amour pour son père ou son enfant ou pour tous les gens. Muttafaqun alayh, unanimement authentique, ça veut dire rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Huna u'id fawa'id dirasat as-sira. Là, je vais répéter ou rappeler brièvement les objectifs ou les intérêts de l'étude de la biographie. Awalan, fahm shakhsiyat ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, la compréhension de la personnalité du prophète, prière et salut sur lui. Wal wusul ila al-yaqin bi nubuwwatihi, atteindre la certitude en sa prophétie. Thaniyan, deux, fahm al-Qur'an min khilal sirati, comprendre ou bien la compréhension du Coran à travers l'étude de la biographie. Thalithan, troisièmement, al-husul ala thaqafa islamiyya, acquérir ou l'acquisition d'une culture islamique. Rabi'an, quatrièmement, wujud al-mithal wal-qudwa al-a'layayn fi sirati, trouver l'exemple et le modèle suprême dans sa biographie. Khamisan, namudaj hay fi maydan at-tarbiya wad-da'wa, un exemple vivant, un échantillon vivant dans le domaine de l'éducation et la prédication. Sadisan, ziyadat al-iman amam al-mu'jizat an-nabawiyya, sixièmement, l'augmentation, la fortification de la foi devant les miracles prophétiques. Sabi'an, sept, dhikrullah bis-salati ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'évocation de Dieu lorsqu'on prononce la prière sur le messager de Dieu. Si on fait que ça, c'est une bonne chose. Si on se rencontre ici et on dit Allahumma salli wa sallim ala sidna Muhammad iddat marrat, hada yakfi. Faqat hada shay jamil. Si on répète uniquement lors de notre assemblée, on répète des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, ça va être une bonne chose. S'il y avait que ça, ça va être une bonne chose. Mais nous, on va voir plus que ça. Thaminan, hub an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Huitièmement, c'est l'amour, le vrai amour que tu vas connaître ou tu vas avoir l'amour du prophète, prière et salut sur lui. Al-an as'al su'alan akhar. Maintenant, je vais poser une autre question. Rubbama yas'al ahadun qa'ilan. Peut-être quelqu'un va s'interroger en disant man yadman li an as-sira an-nabawiyya sahiha. Qui peut me garantir que la biographie du prophète, prière et salut sur lui, est authentique? Qui peut me garantir que la biographie n'est pas des légendes mythiques? Et est-ce que vraiment il y a eu dans l'histoire un homme qui a existé qui s'appelait Muhammad, prière et salut sur lui, et qui était vraiment un prophète? Parce qu'il est possible de dire ya akhi, au frère, in tawassalna bi anna as-sira sahiha darasnaha, si on a la certitude que la biographie est authentique, on va l'étudier. Amma in kanat kadhiba taraknaha, mais si la biographie est mensongère, on l'abandonne, on fait autre chose, notre temps est cher. Lil jawab an hadha as-su'al, afin de répondre à cette question, aqul, je dis كانت السيرة هي الدافع للمسلمين لكتابة التاريخ. La biographie, la sira, était le moteur, le stimulateur des musulmans à écrire l'histoire. قبل وخلال وبعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم, à écrire l'histoire avant, pendant et après la vie du prophète, prière et salut sur lui. وقد اخترع المسلمون لكتابة التاريخ طريقة علمية دقيقة لم يسبقهم إليها أحد. Les musulmans étaient les premiers à inventer une méthode scientifique précise. لمعرفة الصحيح من الأخبار التاريخية afin de connaître les vraies histoires ou les vrais récits par rapport aux autres qui sont faux ou mensongers. والذي دفعهم لاستعمال هذه الطريقة هو خوفهم من الله تعالى وتبارك. Et le stimulateur qui les a poussés à inventer cette méthode scientifique précise, c'était leur crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala. لأن الكذب حرام في الإسلام. Parce que le mensonge est interdit en islam, tout simplement. فالكذب دليل على النفاق. Parce que le mensonge est une preuve de l'hypocrisie. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et saint sur lui dit, آية المنافق ثلاث, l'hypocrite a trois signes. إذا حدث كذب, lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il raconte, il ment. وإذا وعد أخلف, lorsqu'il fait une promesse, il ne l'honore pas. وإذا عاهد غدر, et lorsqu'il conclut un engagement ou un pacte, il le trahit ou bien il ne le respecte pas. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, rapporté par al-Bukhari et Muslim. Wa zada Muslim wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim, et même si ce dernier accomplit la prière, accomplit le jeûne et prétend être musulman, ça veut dire il s'agit d'un hypocrite, celui qui lorsqu'il parle il ment, ou lorsqu'il s'engage il ne respecte pas l'engagement, ou lorsqu'il donne une promesse, il ne l'honore pas. Il s'agit là d'un hypocrite, même s'il fait la prière d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il fait le jeûne, et même s'il répète et répète que je suis musulman. وَأَكْثَرْ مِنْ هَذَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et pire que ça, le prophète prière et saint-sur lui dit, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Celui qui ment à mon sujet avec prémédité ou intentionnellement, il n'a qu'à choisir sa place dans l'enfer. روى هذا الحديث أكثر من 40 صحابيا. Ce hadith a été rapporté par plus que 40 compagnons, من بينهم العشر المبشرين بالجنة. Parmi ces rapporteurs, ces 40 rapporteurs, il y avait les 10 auxquels le prophète a promis le paradis. إذن فرواية السيرة عبادة ولكنها مسؤولية أمام الله. Donc réciter ou raconter la sira ou écrire la sira est une adoration en islam, mais en même temps il s'agit d'une lourde responsabilité devant Dieu. ولقد بدأت كتابة السيرة بعد بداية كتابة السنة. L'écriture de la biographie ou de la sira a démarré après l'écriture de la sunna, ça veut dire du hadith du prophète, des paroles du prophète prière et salut sur lui. Et par la suite on est passé à écrire sa biographie. On a commencé à écrire le hadith ou la sunna tôt, ça veut dire pendant la vie du prophète prière et salut sur lui. وكتابة السنة بدأت بعد كتابة القرآن. Et l'écriture de la sunna a démarré après celle du Coran. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضوان الله عليهم بكتابة القرآن في حياته. Le prophète prière et salut sur lui a demandé aux compagnons d'écrire le Coran pendant sa vie. Lui, il lisait le Coran et quelques compagnons écrivaient le Coran. ومنعهم من كتابة كلامه في نفس الوقت حتى لا يختلط القرآن والسنة. Et le prophète prière et salut sur lui leur a interdit à ses amis d'écrire la sunna, ses paroles, ses hadiths, en même temps que le Coran, afin que les deux ne se mélangent pas dans les feuilles des compagnons. فلما أتقن الصحابة الفرق بين القرآن والسنة, une fois les compagnons ont maîtrisé la différence qui existait entre le Coran et le hadith et la parole du prophète, entre la parole de Dieu et celle du prophète, ولم يبقى هناك خوف من الاختلاط, une fois il n'y avait plus la crainte de voir les deux se mélanger, أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابة السنة, le prophète prière et salut sur lui leur a donné son accord, son autorisation à écrire enfin la sunna, ça veut dire les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم. أما كتابة السيرة فبدأت في أواخر القرن الأول, tandis que l'écriture de la vie de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a démarré à la fin du premier siècle, exactement en l'an 92 de l'Hégire, بالضبط في سنة 92 هجرية. هذا فيما يخص النقل الكتابي. Ceci, mes frères et mes sœurs, en ce qui concerne la transmission écrite. أما النقل الشفاهي للسيرة فبدأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Tandis que la transmission orale a démarré pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكان الصحابة يحكون الأحداث لبعضهم البعض. Les compagnons racontaient les uns aux autres les événements ou bien la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ce qui a eu lieu pendant leur absence. Ce qui a eu lieu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant l'absence de l'un ou de l'autre ont raconté les uns aux autres ces récits. وحكى الصحابة رضوان الله عليهم أحداث السيرة للتابعين. Et par la suite, les compagnons ont raconté ces événements aux successeurs qui n'ont pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les successeurs ont fait la même chose à l'égard de leurs successeurs. ثم بدأت كتابة السيرة. Et juste après cet étage, il y a eu le démarrage de l'écriture de la biographie. مصادر السيرة ثلاثة. Les références de la biographie sont au nombre de trois. أولاً القرآن. Premièrement, le Coran. Dans le Coran, il y a une partie de la sirah. ثانياً السنة. Deuxièmement, la sunna. وهي كتب أئمة الحديث. Il s'agit des livres ou des recueils des imams de hadith. Al-Bukhari, par exemple. Al-Bukhari. Muslim. Abu Dawud. At-Tirmidhi. An-Nasa'i. Ibn Majah. Malik. وأحمد وغيرهم اي d'autres que Dieu soit satisfait de رضي الله عنهم فقد رووا في كتبهم بعض الأحداث الأحداث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Ils ont raconté dans leur recueil de hadith, ils ont raconté parfois des événements ou des histoires concernant le prophète صلى الله عليه وسلم الى جانب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا troisièmement واخيرا الرواة وهم الصحابة رضوان الله عليهم ثم التابعين إلى آخره. Les rapporteurs qui étaient les compagnons que Dieu soit satisfait d'eux, puis les successeurs et leurs successeurs, etc. الآن أشرح لكم الطريقة العلمية الدقيقة. ولكن يعني خصكم تخدموا عقلكم شوية معي, تعطوني يعني العقول ديالكم جيدا حتى تفهموها. Maintenant je vais vous expliquer la méthode scientifique précise. Et vous devez faire plus d'attention maintenant. هذه الطريقة التي استعملها المسلمون, cette méthode qui a été inventée, utilisée par les musulmans pour la première fois dans l'histoire. لقبول خبر أو رفضه, afin d'accepter une information ou bien de la refuser. Ils ont utilisé un moyen, un test. هي قواعد علوم الحديث. Cette méthode s'appelle les sciences ou bien les règles de la science du hadith. وألخص هذه الطريقة. Je résume brièvement cette méthode. نجد رجلا يروي حديثا. On rencontre par exemple un homme qui raconte un événement, qui parle d'un événement. نسأله هل رأيت الحديثة. On pose la question à cet homme, as-tu vu cet événement? Es-tu ou bien est-ce que tu étais présent lors de cet événement? Il va dire non. Mais c'est un deuxième homme qui m'a raconté cet événement. Et le deuxième homme, c'est un troisième qui lui a raconté cet événement. حكاها له رجل رابع. Et le troisième, c'est un quatrième homme qui lui a raconté l'événement. والرجل الرابع هو الذي رأى الحادثة. Et c'était ce quatrième homme qui a vu avec ses propres yeux l'événement, qui était présent pendant cet événement. هذا يسمى عندنا سند فيه أربعة رجال. On appelle en islam ceci une chaîne comportant quatre hommes. Une chaîne, 1, 2, 3, 4. Une chaîne faite de quatre hommes. الرجل الأول والثاني والثالث والرابع le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième homme. وكل رجل يكون حلقة في السند. Chaque homme constitue un chaînon ou un maillon de la chaîne. والحادثة تسمى متن. Et l'événement s'appelle le contenu de la chaîne ou bien le texte de la chaîne, المتن. فهل نقبل هذه الحادثة أم نرفضها؟ Est-ce que mes frères maintenant, quatre hommes, où il y a une chaîne de quatre hommes qui nous raconte un événement, est-ce qu'on va accepter comme authentique l'événement raconté ou bien on le refuse en bloc? وضع علماء الحديث شروطا للقبول. Les savants de science de hadith ont posé quelques conditions pour accepter la chaîne ou bien le texte ou le contenu de la chaîne. تخص السند والمتن ورجال السند. Ces conditions concernent d'abord la chaîne, deux, le contenu ou le texte, trois, رجال السند, et trois, les hommes de la chaîne. وهو ما يسمى بعلم الجرح والتعديل وتراجم الرجال. C'est la science qu'on appelle science de critique, ça veut dire critiquer les hommes, de redressement, où on peut redresser un homme après l'avoir critiqué, ou bien la biographie des hommes. أولا, premièrement, فالسند لابد أن يكون متصلا من الرجل الأول إلى الأخير. La première règle, la première condition, il faut que la chaîne soit continue du premier homme au dernier homme. فإن كان السند منقطعا, si la chaîne est interrompue, discontinue, رفضنا صحة الحادثة, on va refuser l'authenticité de l'événement. Et peut-être c'est authentique. Peut-être l'événement est authentique. Mais quand même, on va le refuser parce qu'il manque un chaînon. ثانياً, la deuxième condition, كل رجل أو كل رجل في السند يجب أن يكون ثقة. Chaque homme de la chaîne doit être un homme confiant, un homme de confiance. وضابطاً, et un homme précis. ضابط يضبط, il est précis dans ce qu'il dit. ثقة أو عدل, un homme de confiance ou un homme juste. من كذب مرة واحدة في حياته في ذلك الوقت ضاعت منه صفة الثقة أو صفة العدالة. Celui qui aura menti une seule fois dans sa vie, on retire pour lui le statut d'homme de confiance ou un homme juste. Il perd cet attribut. ويجب أن يكون معروفا عند كل الناس بالثقة. Et l'homme, chaque homme de la chaîne doit être reconnu chez tout le monde par sa confiance et sa justice. والضابط, le précis, l'homme précis, الضابط هو الذي لا يزيد ولا ينقص ولا ينسى. Et celui qui n'oublie pas, dans sa vie on n'a pas su ou on n'a pas découvert qu'il oubliait, il ne doit pas oublier, c'est quelqu'un qui n'ajoute pas des choses de sa tête et qui n'enlève pas, qui ne déduit pas, qui ne diminue pas le texte. Ce n'est pas comme nous. On entend une histoire de quatre lignes, je rajoute une ligne, ça fait cinq lorsque je parle avec celui-ci, l'autre, il rajoute une autre ligne, et à l'arrivée, il y a un kilomètre de ligne. Parce que chacun a inventé des choses, chacun a alimenté de sa façon l'histoire. Non, on ne doit rajouter rien. فَإِنْ صَارَ يَنْسَى وَلَوْ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ. Si l'homme a commencé à oublier même à la fin de sa vie, même lorsqu'il a atteint les 70 ans, ضاعت منه صفة الضبط. On va retirer pour lui le statut de précis. لأننا لا نعرف هل الأحاديث التي رواها, parce qu'on ne sait pas est-ce que le hadith qu'il a raconté, qu'il a rapporté, est-ce qu'il les a rapportés pendant sa jeunesse, lorsqu'il avait une bonne mémoire, ou c'était à la fin de sa vie, lorsqu'il a perdu la bonne mémoire. هل رواها في شبابه؟ أم رواها في آخر حياته. ثالثا, troisièmement, المتن, le contenu des conditions maintenant qui vont concerner le texte ou le contenu de la chaîne. لا يجب أن يكون فيه شذوذ أو علة. Le texte ne doit pas contenir une anomalie ou un vice. فلو لاحظنا غرابة في المتن, si on remarque quelque chose étrange dans le texte, dans le contenu, رفضنا الصحة ولو كان السند صحيحا. S'il y a quelque anomalie dans le texte, on va refuser en bloc le tout, même la chaîne, et même si la chaîne était correcte. رابعا, quatrièmement, نطبق علم الجرح والتعديل وتراجم الرجال. On va appliquer la science de critique, de redressement et de biographie des hommes qui étaient les rapporteurs. وهذا العلم كتبت فيه مجلدات ومجلدات. Dans cette science, nous avons, on trouve des tomes et des tomes qui parlaient des hommes qui étaient les rapporteurs du hadith. بمعنى كانت هناك مخابرات عامة. Ça veut dire il y a eu des renseignements généraux qui suivaient les hommes, les rapporteurs. تكتب كل شيء عن رجل عن كل رجل من رجال السند, qui écrivait toute chose concernant l'homme de la chaîne. هل هو ثقة؟ Est-ce un homme de confiance؟ هل هو عدل؟ Est-il juste؟ هل هو ضابط؟ Est-il précis؟ هل هو تقي؟ Est-il pieux؟ هل يصلي في المسجد؟ Est-ce qu'il faisait sa prière dans la mosquée؟ هل يقوم بالطاعات؟ Est-ce qu'il accomplissait les bonnes œuvres؟ هل هو عالم؟ Est-il un savant؟ هل هو جاهل؟ Ou bien un ignorant؟ هل هو كاذب؟ Est-il un menteur؟ هل هو فاسق؟ Est-il un pervers, un dévergondé؟ هل هو يحب المزاح؟ Est-il quelqu'un qui plaisantait trop؟ هل هو جدي؟ Est-il quelqu'un de sérieux؟ هل هو ظالم في معاملاته؟ Est-il quelqu'un d'injuste dans ses comportements؟ إلى درجة أنهم كانوا إذا رأوا أحدا يأكل في الطريق, jusqu'au point que lorsqu'ils voyaient quelqu'un qui mangeait dans la rue, سلبوا عدالته, il lui retirait son authenticité ou son statut de précis ou de juste. كل هذا التشدد حتى لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tout cet excès afin de ne pas mentir sur le prophète, prière et salut sur lui, afin que vous, moi et tous ceux qui vont venir, lorsqu'on lit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, on va lire avec toute la tranquillité, la rassurance que le prophète a vraiment dit ceci. يروى أن أمير المحدثين الإمام البخاري, on raconte que l'émir des rapporteurs البخاري, que Dieu soit satisfait de lui رضي الله عنه, سافر سفرا طويلا من بلاد إلى بلاد, il a effectué un long voyage d'un pays à un autre. Il n'y avait pas à l'époque les avions, il n'y avait rien, il n'y avait que les chameaux. للقاء رجل عنده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a fait tout ce long voyage afin de rencontrer un homme qui avait un seul hadith. Et lui, il cherchait ce hadith pour le rajouter à son recueil. فلما وصل إلى الرجل, lorsqu'il arriva au pays de cet homme ou à la maison, au lieu de cet homme, رآه ينادي حصان, البخاري a remarqué que l'homme est en train d'appeler, de faire signe à son cheval de venir. Et il faisait signe au cheval comme quoi, viens, je te donne des grains de blé que j'ai dans mes habits. Et le cheval est venu vers son maître et il ne lui a rien donné, il n'y avait aucun grain de blé. فسأله البخاري عن ذلك. البخاري لا انتروجا à propos de ceci. فقال له, et l'homme dit, قمت بهذه الحيلة ليأتي الحصان. J'ai utilisé cette astuce ou cette ruse pour faire venir vers moi le cheval. وربما فينا في الناس الحاضرين من يقوم بهذا الشيء مع ابنه أو مع صديقه أو ما أدري. Et peut-être parmi les présents, il y a des gens qui utilisent la même chose. Et pour nous, c'est une chose peut-être normale. فقال له البخاري, البخاري لو يدي تكذب على الحيوان فكيف لا تكذب على الإنسان. Tu racontes des mensonges à l'animal ou tu utilises le mensonge avec l'animal, comment ne fais-tu pas pareil avec l'homme. وتركه ولم يأخذ الحديث منه, et il l'a abandonné sans prendre de chez lui le hadith, رغم كل السفر, malgré toutes les difficultés du voyage. خامسا, النقطة الخامسة, cinquièmement, نبحث هل هناك أسانيد أخرى؟ On cherche. Y a-t-il d'autres chaînes à part celle-ci des quatre hommes? Y a-t-il une autre chaîne? Y a-t-il d'autres chaînes تحكي نفس القصة، تحكي نفس الحادثة، qui raconte le même événement؟ فإذا كان هناك عدة أسانيد، s'il y a plusieurs chaînes، درسنا صحة كل سند كما درسنا صحة السند الأول. Si on trouve plusieurs chaînes, on va étudier chaque chaîne à part comme ce que nous avons fait pour la première chaîne. Ça veut dire la chaîne, les hommes, le texte, etc. فإذا كانت كل الأسانيد صحيحة، dans le cas où toutes les chaînes sont authentiques، ومجموع الرجال في كل حلقة من الأسانيد وصل إلى حد يستحيل معه تواطؤهم على الكذب، et si dans chaque étage des chaînes il y a au moins par exemple 10 hommes dans chaque étage ou un certain nombre d'hommes pour lesquels est impossible de se mettre tous d'accord pour raconter un mensonge، صدقنا بيقين الحادثة، on va croire avec certitude à l'événement. وهذا النوع من الحديث يسمى متواتر، et ce type de hadith s'appelle le hadith mutawatir. Ça veut dire hautement authentique, pas seulement authentique mais hautement authentique, parce qu'il y a plusieurs chaînes authentiques qui disent la même chose. Donc ça signifie la certitude. بمعنى يرويه مثلا عشرة عن عشرة عن عشرة عن عشرة. Par exemple, on trouve un hadith ou un événement qui est raconté par 10 personnes sur 10 personnes sur 10 personnes jusqu'à arriver à 10 personnes qui ont vu tous l'événement, qui ont entendu tous la parole. والكل يعطي عشرة أسانيد مختلفة. Ça veut dire l'ensemble va nous donner 10 chaînes différentes. فحديث من كذب علي متعمدا. Par exemple, le hadith dans lequel le prophète prière et saillé sur lui dit: celui qui ment à mon égard avec prémédité ou avec intention, هذا الحديث متواتر. Ce hadith est hautement authentique. له أكثر من 40 سندا. Il a plus que 40 chaînes authentiques. وهناك أحاديث أخرى متواترة. Il y a d'autres hadith hautement authentiques. Ça veut dire متواتر. كحديث comme le hadith dans lequel le prophète prière et saillé sur lui dit. كحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. Celui qui construit pour Dieu une mosquée, Dieu lui construit une maison, une demeure dans le paradis. هذا حديث متواتر. Il s'agit là d'un hadith hautement authentique. وحديث بكاء الجذع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، et le hadith des pleurs du tronc d'arbre devant la séparation avec le messager de Dieu, c'était un hadith hautement authentique. ونبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متواتر، et le hadith dans lequel on raconte que l'eau sortait des doigts du prophète صلى الله عليه وسلم pour donner à boire à toute une armée qui était avec lui dans le désert, il n'y avait pas d'eau. C'est un hadith mutawatir, hautement authentique. Il a akhiri, etc. Hada fi ma yakhus al-ahadith. Ceci en ce qui concerne les hadiths. Amma al-Qur'an fa kulluhu mutawatir. Tandis que le, comment dire, ou bien en ce qui concerne le Coran, il est de A à Z hautement, très hautement authentique. متواتر رواه الآلاف. Le Coran a été rapporté par des milliers, des dizaines de milliers, sur des dizaines de milliers, sur des dizaines de milliers, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est hautement, hautement authentique. فالقرآن الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le Coran qui a été lu, prononcé par le prophète, prière et sage de lui, والصحابة, et les compagnons, هو القرآن الذي نقرأه الآن أو اليوم, est le même que le Coran qu'on est en train de lire aujourd'hui. من غير زيادة ولا نقصان, sans aucun ajout ni aucune diminution. والقاعدة, je vous donne maintenant une règle. القاعدة, إذا كان الحديث متواترا, si le hadith est hautement authentique, متواتر, فهو يفيد اليقين, il signifie la certitude de la chose. من غير أدنى شك, sans le moindre doute. وإذا كان أحاديا صحيحا, et lorsque le hadith est élémentaire, mais authentique, ça veut dire élémentaire, il y a une seule chaîne élémentaire ou deux chaînes, mais pas trois ou plus. Lorsqu'on trouve un hadith authentique, rapporté par une seule ou deux, c'est-à-dire un hadith élémentaire, il a un hadith ahadiyan, il y a une silsila wahida, ma fi akhtar, wahida ou itnin. Fahoué ou fi d'oddon. Les savants disent que ce hadith signifie l'incertitude. Vous avez peut-être maintenant compris votre religion, qui est basée sur la science et rien que la science. الآن ربما فهمتم دينكم المبني على العلم ولا غير فلو كان حديثا واحدا أو اثنين صحيحين بسلسلتين بسندين متصلين صحيحين هذا لا يعني اليقين في ديننا يعني فقط الظن ربما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم يعني عندنا فقط سند واحد أو سندين ما نستطيع أن نقول باليقين قال النبي هذا الكلام صلى الله عليه وسلم Donc lorsqu'on a une seule chaîne authentique ou même deux chaînes authentiques, on ne peut pas dire avec certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Ça signifie l'incertitude. وهكذا ففي العقيدة الإسلامية لا يقبل العلماء إلا المتواتر. Ainsi, dans le domaine de la croyance, dans le domaine de la foi, les savants en islam n'acceptent que les hadiths hautement authentiques. Les hadiths mutawatir. Adab al-qabr, par exemple, les châtiments dans la tombe. On ne peut pas croire à n'importe quoi. Si le hadith n'est pas hautement authentique, on ne peut pas croire à un châtiment qui se trouve dans la tombe si ce châtiment n'est pas raconté par un hadith hautement authentique. مثلاً, ما يوجد في الجنة, les choses qui existent dans le paradis. On ne peut pas croire à ces choses si le hadith n'est pas hautement authentique, mutawatir. مثلاً, النار, عذاب النار, le châtiment de l'enfer. Lorsque le prophète parle ou nous raconte des choses de l'enfer, on ne peut pas croire si ce n'est pas hautement authentique. Sifat Allah, les attributs de Dieu, on ne peut pas croire à n'importe quoi en ce qui concerne Dieu. Lorsque le prophète prière décrit Dieu, lamma Allah ta'ala tabarak, lamma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yasif Allah, la yumkin an nusaddiq. On ne peut pas croire que lorsque le hadith est hautement authentique. Al-mala'ik, lorsque le prophète parle des anges ou des génies ou des diables, il faut que le hadith soit hautement authentique. فَلَا يُمْكِنْ أَنْ نُؤْمِنَ بِأَشْيَاءَ ظَنِّيَّ. Il est impossible, il n'est pas raisonnable de croire à des choses qui laissent le doute, à des choses où il y a l'incertitude. C'est ça la valeur de notre islam, c'est ça la grandeur de notre islam. Et on ose à chaque reprise traiter l'islam d'une religion toute simple ou d'une religion qui manque de science. Et pourtant, ce sont les autres, parfois, qui manquent de science et de raison et de certitude. Peut-être que je m'arrête là. Sinon, la religion devient mythologique, mais pas une religion, authentique. Amma fi ghayri al-aqida. Tandis que dans les autres domaines qui ne concernent pas la foi, qui ne concernent pas la croyance en des choses inconnues ou invisibles, فَيَقْبَلُ الْعُلَمَاءَ الْأَحَدِيثَ الصَّحِيحَ. Les savants acceptent dans ces domaines-là les hadiths authentiques. Même si le hadith contient une seule chaîne ou deux chaînes, on l'accepte parce que ça ne s'agit pas de la croyance. Ça ne s'agit pas de la croyance. وَالْخُلَاصَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَتَبَارَكَ. أو قبل أن أمر إلى الخلاصة أذكر بشيء. تكلمنا عن الحديث الصحيح. Nous avons parlé du hadith authentique. Nous avons parlé du hadith متواتر, hautement authentique. هناك الحديث الحسن. Il y a aussi, mes frères et mes sœurs, parfois on entend hadith hasan, hadith bon, mais pas authentique. Il est bon, mais on dit pas authentique. الحديث الحسن هو الذي يروي عدل خفيف الضبط. رغم أن السند متصل من غير شدود ولا علة. Le hadith, on le traite de bon et non pas authentique lorsqu'il est raconté ou lorsqu'il y a dans l'un des membres de la chaîne quelqu'un qui est juste, qui est homme de confiance, mais qui n'est pas précis, avec une légère précision. Peut-être à la fin de sa vie, ou je ne sais pas, il dit la chose, mais il oublie, il dit, peut-être le prophète a dit comme ça ou a dit comme ça. Mais avec ceci, la chaîne est continue et il n'y a pas d'anomalie ou vice dans le texte. on qualifie ce genre de hadith de hasan, de bon. Wa ghayr al-hasan wa ghayr al-sahih yusamma al-hadith al-da'if. Et à part le hadith authentique, à part le hadith bon, on le qualifie de hadith faible. Al-khulasa, la conclusion. Anna Allah ta'ala wa tabarak waffaqa ulama al-muslimin li hadha al-amal al-jabbar. C'est Dieu lui-même qui a aidé, qui a acheminé les savants de l'islam vers ce travail grandiose. Qala ta'ala, Dieu le Très-Haut dit, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le livre de rappel, ça veut dire le Coran, et c'est nous qui en assurons ou en assumons la conservation. Fallahu alladhi yahfad al-Qur'an. C'est Dieu lui-même, mes frères et mes sœurs, qui assure la conservation du Coran. Wa hifdhu al-Qur'an yujib hifdh as-sunnah. لأن هي التي تشرح القرآن. Et la conservation du Coran nécessite à côté d'elle la conservation de la Sunna, parce que c'est cette dernière qui interprète et explique le Coran. Sinon, on ne peut pas comprendre le Coran. Le Coran nous dit faites la prière. S'il n'y a pas la Sunna, comment on va faire la prière? Le Coran n'a pas détaillé combien il y a de rak'a, combien, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut. C'est la Sunna qui a tout précisé. Donc, pour que le Coran soit conservé, à côté de lui, il faut que la Sunna soit conservée, et c'est Dieu qui a assuré la conservation des deux. Wa ana lamma ara rajulan kal Bukhari radiyallahu anhu wa ghayrihi. Et moi, lorsque je vois un homme comme Al-Bukhari, que Dieu soit satisfait de lui, ou d'autres, yahfad akthar min 100 alf hadith, qui a mémorisé plus que 100 000 hadiths, en plus du Coran, hein, la mémorisation des Corans. Ils étaient des ordinateurs avant la création de l'ordinateur ou avant l'invention de l'ordinateur. Un homme qui a appris 100 000 hadiths avec ses chaînes, min ghayr nisyan wala ziyada wala nuqsan, sans oubli, sans rajout, sans diminution, aqul hadhihi wallah mu'jiza ilahiyya tara'at ba'da mawti an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je dis par Dieu, il s'agit d'un miracle de Dieu accompli après la mort du prophète, prière et salut sur lui. Yaqul al-Bukhari dit ahfad 100,000 hadith sahih. J'ai mémorisé 100,000 hadith authentique. Wa 200,000 hadith ghayr sahih. Et j'ai mémorisé à côté d'eux 200,000 hadith non authentiques. Wa ikhtara li kitabihi 4,000 hadith min bayn 600,000. Tasawwaru ya ikhwa. Ikhtar fi sahih al-Bukhari 4,000. Ikhtaraha min 600,000 hadith. غربل وغربل وغربل وحيد كل شو خلا غير 4,000 اللي في راسه وهذه صحيحة ما فيها الشك. هذا هو عمل البخاري رضي الله عنه. البخاري دي جي سيليكسيوني 4,000 حديث كي كومبوز مون ركوي لوتنتيك دا البخاري ا بارتير دو 600,000 حديث. 4,000 ا بارتير دو 600,000 سافو دير إلا في ان تري تري تري تري ستريكت pour qu'on ne raconte pas des choses légères sur le prophète, prière et salut sur lui. Nous, on lit le hadith, on dit Al-Bukhari a dit, mais on n'a pas à la tête tout ce que Al-Bukhari a accompli. Il a dit, ma wada'tu hadithan illa wa sallaytu rak'atayhi. Je n'ai pas écrit dans mon recueil un hadith sans avoir fait au préalable ou auparavant deux unités de prière. Et il a fini son recueil de 4,000 hadiths pendant 16 ans. Il a donné 16 ans de sa vie à ce travail noble. Al-Imam Muslim كتب في صحيحه 4,000 hadith مختار من 300,000. Muslim, l'imam Muslim, son élève, l'imam Muslim, a sélectionné dans son recueil l'authentique de Muslim 4,000 hadiths sélectionnés ou triés à partir de 300,000. Wahuma asah al-kutub, ba'd al-Qur'an. Et les deux composent ou constituent les deux livres les plus authentiques chez les musulmans après le Saint-Coran. الإمام الترمذي يقول الإمام الترمذي ذي من كان كتابي في بيته، كتاب الإمام الترمذي للحديث، من كان كتابي في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. Celui qui a mon livre, c'est Tirmidhi, hein, l'imam Tirmidhi qui parle, il dit celui qui possède mon livre de hadith dans sa maison, c'est comme s'il y a un prophète chez lui qui parle. Marra ja'a al-imam al-Bukhari ila Baghdad. Une fois, l'imam al-Bukhari est venu vers la ville de Bagdad. Famtahanahu ulama'uha. Et les savants l'ont testé, les savants, les grands faqih à l'époque de Bagdad lui ont fait un test. Fa'akhadou, c'est un examen, un grand examen. Fa'akhadou mi'at hadith, ils ont sélectionné, ils ont pris 100 hadiths. Fa'qalabou mutunaha wa asanidaha, et ils ont mélangé, inversé les chaînes avec les contenus, avec les textes. Ça veut dire ils ont pris un hadith normal, une chaîne et un contenu, ils ont pris le contenu, ils l'ont donné à une autre chaîne, et un autre contenu, ils l'ont mis à cette chaîne. Et ils ont mélangé celui, l'homme qui était le premier dans la chaîne, ils l'ont mis au milieu, ou bien à la fin. Et ils vont lui passer ce test. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa qalabu mutunaha wa asanidaha. Matn hadith li isnad hadith akhar wa hakada. Wa akhtaru 10 rijal. Ils ont sélectionné 10 hommes. يسألونه ou qui vont l'interroger. كل واحد عنده عشرة أحاديث. Chaque homme a 10 hadiths. 10 fois 10, ça fait les 100 hadiths. واجتمع الناس. Les gens se sont rassemblés à Bagdad pour assister au grand examen de Cheikh al-Bukhari. وجلس البخاري رضي الله عنه. L'imam Bukhari prit place devant la foule, que Dieu soit satisfait de lui. فسأله الرجل الأول عن الحديث الأول. Et le premier homme l'interrogea à propos du premier hadith. فقال الإمام البخاري لا أعرفه. الإمام البخاري dit je le connais pas, je sais pas. فسأله عن الثاني, il l'interrogea à propos du deuxième. قال لا أعرفه, il dit je le connais pas. حتى العاشر, jusqu'au dixième, لا أعرفه, je le connais pas. فتعجب الناس من جهله. Les gens se sont étonnés de son ignorance, l'ignorance du grand imam al-Bukhari. ثم سأله الرجل الثاني, après le deuxième homme l'interrogea. وهو يقول لا أعرفه, lui il ne disait que je le connais pas. حتى الرجل العاشر, jusqu'au dixième homme, وهو يقول لا أعرفه. Et l'imam Bukhari à chaque fois il disait je le connais pas, ça veut dire le hadith. فلما فرغوا, il n'a pas connu les 100 hadiths. Il ne connaît rien cet homme. فلما فرغوا, lorsqu'ils ont fini, التفت البخاري رضي الله عنه إلى الأول. البخاري, que Dieu soit satisfait de lui, se retourna vers le premier homme. وقال له, il lui dit, أما حديثك الأول, en ce qui concerne ton premier hadith, فصحيحه هكذا. Son authentique est le suivant, et pas ce que tu viens de dire. Ça veut dire pendant quelques minutes, il a mémorisé même les hadiths faux avec leur chaîne. Et après quelques minutes, il était capable de redire ce qu'a dit l'homme qui a, je ne sais pas, il a passé pendant pas mal de temps à apprendre ces hadiths faux pour tester l'imam al-Bukhari. فَصَحِيحُهُ هَكَدَا, l'authentique c'est ceci. وَأَعْطَاهُ السَّنَدْ وَأَعْطَاهُ الْمَتْنَ, il lui a donné la chaîne à part et il lui a donné le texte à part. وَأَمَّ الثَّانِي, à propos de ton deuxième hadith, فَهَكَدَا, il doit être comme ça et pas comme ce que tu as dit. حتى أعطاه العشرة, il lui a donné les 10 hadiths dans l'ordre et d'une façon authentique. وفعل مع الآخرين نفس الشيء, et il a fait avec les 9 autres la même chose. وصحح المئة حديث المقلوبة, et il a corrigé, il a rectifié les 100 hadiths inversés, mélangés. فاعترف له الناس بالحفظ والضبط, et à ce moment-là les gens ont reconnu tous pour lui la mémorisation et la grande et la haute précision. La ilaha illallah wallahu akbar, il n'y a aucune divinité et Dieu est le très grand. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, وصلنا إلى آخر هذا الدرس. On est arrivé, grâce à Dieu, à la fin de ce cours qui était le premier cours de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. في الأسبوع القادم إن شاء الله, la semaine prochaine إن شاء الله, on va continuer avec le deuxième cours في مع الدرس الثاني الذي قلنا سيكون حول كيف كان العالم أجمع قبل إتيان النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل الإسلام, dans lequel on va traiter, on va voir comment la géographie du monde avant la venue du prophète صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية. اللهم تقبل منا هذا العمل, اللهم تقبل منا هذا العمل يا رب, يا من لا إله إلا أنت, كما جمعتنا في هذه الليلة حول سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم, فاجمعنا معه عند الحوض وأدخلنا معه إلى الجنة. Au notre Seigneur, comme tu nous as aidé à être pendant cette soirée autour de la biographie de ton prophète Mohammed, prière et salut sur lui, fais de la même chose, fasse la même chose pour nous rassembler autour de lui, autour de son bassin, dans le jour du jugement dernier, et fais-nous entrer avec lui vers le paradis. إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.